Au sport, le 11 janvier. Au hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettre Alfred Saint-François. L'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Metroplouf Sherbrooke à l'Arena Distinguis à 13h30. L'équipe novice B est à Florimont pour affronter Metroplouf Sherbrooke à 9h15. L'équipe novice C est également à Florimont pour affronter Thibault Géant Sherbrooke 2. Le match a lieu à 11h45. L'équipe Peewee A se mesure à Hockey Expert Sherbrooke 2 à l'Arena Eugène Lalonde à 17h15. Le 13 janvier, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis-Saint-Laurent affronte Tandem Le Boisé à l'Arena Distinguis à 16h.